Ndikomanyanga. Recueillement sur la mise en onde, bienvenue à ce journal dont voici d'abord l'essentiel. La police nationale interdit formellement aux conducteurs de matériel roulant de garer leurs engins devant les stations-service en attente de carburant quand ces stations ne sont pas en train de servir. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi a encore un sursis pour être classé au statut B qui devrait entrer en vigueur en 2025. Entre-temps, le sous-comité en charge de l'accréditation au sein de l'Alliance mondiale pour les institutions nationales des droits de l'homme basée à Genève lui recommande notamment de respecter les principes de Paris en matière des droits de l'homme. Vous aurez les détails dans ce journal. 25% des Burundais ne conservent pas leur argent dans des banques et microfinances. Constat du gouverneur de la Banque de la République du Burundi. Il a dit ce jeudi lors du lancement officiel de la campagne de l'éducation financière. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page économie. 25% des Burundais ne conservent pas leur argent dans des banques et microfinances, constat du gouverneur de la Banque de la République du Burundi. Il a dit ce jeudi lors du lancement officiel de la campagne de l'éducation financière. Édouard Normand Wigendako appelle la population burundaise à collaborer avec les institutions financières et de créer des comptes dans ces dernières pour obtenir des crédits pour leur autodéveloppement. Suivez-le dans ses propos recueillis par Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Le principal objectif de la campagne d'éducation financière, c'est d'informer le public burundais sur les produits et services qui sont offerts par les institutions financières, mais aussi les éduquer sur l'utilisation rationnelle de ces produits, mais aussi informer le public sur la réglementation qui régit le secteur financier du Burundi. Et quelles sont les raisons de non-inclusion financière au Burundi? Je qualifierais le défi peut-être sous deux aspects. Il y a le premier aspect, c'est le côté financier, la mobilisation des financements pour mobiliser le capital qui servira de base pour pouvoir accorder les produits et services au public. Il y a aussi la mobilisation de l'épargne et ça c'est dû en partie à l'autre aspect culturel du peuple burundais qui préfère beaucoup plus détenir le cash ou leur argent au lieu de le confier à des institutions financières et sous forme d'épargne ou sous forme de... Et donc il y a cet aspect d'abord financier, mobiliser d'abord le financement sous forme de capital, mais aussi inciter le public à constituer l'épargne au niveau du secteur financier du Burundi. Et quel est le taux d'inclusion financière ici au Burundi? Aujourd'hui, le taux de l'inclusion financière est autour de 75%. Ça, c'est le nombre de personnes adultes qui détiennent au moins un compte numérique. Mais ceux qui ont les comptes bancaires, c'est autour de 25%. Je vous le disais en titre, la police burundaise annonce l'interdiction de garer les engins roulants devant les stations-service qui ne sont pas en train de servir du carburant. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi et lue par le porte-parole de la police nationale du Burundi, le colonel de police Désiré Nduimana explique que cette mesure a été prise dans le but de faciliter la circulation routière. On l'écoute. Dans le but de faciliter la circulation sur les voies routières et dans le souci permanent d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'inspection générale de la police nationale rappelle au Burundi aux exploitants des engins roulants qu'il est strictement interdit de faire des rangées de véhicules le long de la route ou sur les stations en attente de carburant. Il est plutôt souhaité que celui qui veut s'approvisionner en carburant s'informe et sache sur quelle station il y a du carburant, qu'il vienne et prenne le carburant dont il a besoin. La même inspection en profite pour rappeler aux conducteurs que le comportement qui consiste à conduire un véhicule sans avoir suffisamment de carburant et connaître une panne sèche et arrêter son véhicule au milieu de la route est punissable par la loi. Il en va de même pour les autres engins roulants, les motos et les tricycles. Il est donc interdit de laisser son véhicule pendant des jours et des jours, des heures sur la station en attente de carburant. Il faut s'informer, savoir sur quelle station il y aura du carburant, venir s'en approvisionner et une fois que si le carburant est terminé, faire rentrer son véhicule. Il n'est pas permis de laisser, d'abandonner son véhicule au bord de la route ou sur les stations. Recrudescence des cas de vol dans les ménages au chef-lieu de la province Bruri. À moins de 2 semaines, 6 ménages ont été déjà ciblés. Même pendant la journée, les matelas sont les plus visés par ces voleurs jusqu'ici inconnus. Au cours d'une réunion de sécurité organisée ce mercredi par le gouverneur colonel Leundas Badenzamaso, des stratégies pour y faire face ont été arrêtées. Les détails avec notre correspondant Zeno Nzambiman. Les vivres et les non-vivres, dont un poste téléviseur et ses accessoires, une batterie et 3 matelas ont été déjà volés dans 6 ménages des quartiers Gisuru, Rumoni et Kigwati du chef-lieu de la province de Bruri en moins de 2 semaines, selon les habitants de ces quartiers. Un de ces matelas et une batterie et bien d'autres ont été volés le matin et le soir de ce mercredi au quartier Rumoni. C'est une recrudescence de cas de vol perpétrés même pendant la journée par des personnes non encore identifiées qui profitent de l'absence des membres de ces ménages quand ils sont partis au travail, selon les mêmes sources. Cette question relative au cas de vol a retenu l'attention des participants à la réunion de sécurité organisée ce mercredi par le gouverneur de la province de Bruri, colonel Leonidas Bandezamaso. Ils ont appelé les habitants de ces quartiers à engager leurs veilleurs, à tenir convenablement les cahiers de ménage et à dénoncer chaque fois ces voleurs. La police est appelée à procéder à l'identification des irréguliers pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément à la loi et à l'administration à la base à vérifier la tenue des cahiers de ménage et à redynamiser le comité mixte de sécurité pour décourager ce banditisme. Depuis Bruri, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. La radio de l'avenir. Page droits de l'homme à présent. Il est recommandé à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, de continuer à renforcer et à formaliser ses relations de travail et sa coopération avec les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme. Ainsi en a décidé le sous-comité en charge de l'accréditation au sein de l'Alliance mondiale pour les institutions nationales des droits de l'homme basée à Genève. Ce sous-comité recommande en outre le respect des principes de Paris en matière de droits de l'homme, des principes démocratiques et de renforcement de l'état de droit. Le détail avec Mireille Cagnac. Entre autres critères ayant poussé le sous-comité en charge de l'accréditation au sein de l'Alliance mondiale pour les institutions nationales des droits de l'homme, basée à Genève, à garder le statut A de la CNIDH jusqu'en 2025, il y a notamment des explications fournies par cette commission sur la coopération avec les organisations de la société civile. Le sous-comité dit noter l'engagement de la CNIDH auprès des organisations de la société civile, notamment certains défenseurs des droits de l'homme en exil qui comptent sur cette institution pour enquêter sur les allégations des violations des droits de l'homme au Burundi. Toutefois, poursuit le rapport, la CNDH a évoqué des risques de représailles contre ses membres et son personnel avec le suivi et le signalement des violations présumées des droits de l'homme, notamment dans le contexte de la mission du rapporteur spécial des Nations Unies au Burundi sur la situation des droits de l'homme. En ce qui est de la lutte contre les violations des droits de l'homme, le sous-comité sur les droits de l'homme basé à Genève fait savoir que la CNIDH a fourni des informations sur ses activités et efforts, notamment en surveillant les lieux de privation de liberté et en enquêtant sur des cas des détenus politiques, mais qu'elle a rencontré une résistance de la part des autorités nationales lors du plaidoyer en faveur de la ratification. ratification par le Burundi de la Convention des Nations Unies contre la torture. Le sous-comité recommande à la CNIDH de poursuivre ses efforts, de veiller à ce que ses positions sur les questions de respect de tous les droits de l'homme, des principes démocratiques et du renforcement de l'état de droit soient rendues publiques. Ce sous-comité appelle également la CNIDH à renforcer ses relations avec la société civile, les défenseurs des droits humains et les organisations non gouvernementales pour assurer la crédibilité en cette commission. Mireille Kanyang et le tribunal de grande instance de Mukasa a décidé le maintien en détention préventive de Sandra Muhoza, journaliste de la Nova Burundi, après sa comparution en date du 6 mai dernier. Muhoza est détenue à la prison centrale de Mimba depuis jeudi 18 avril 2024. Elle est poursuivie pour deux infractions, atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée le 13 avril cette année. Elle venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province Ngouzi. Sa défense se trouve que Sandra devrait être libérée immédiatement. De son côté, le journaliste Kenny Claude Nduimana est locataire de la même prison centrale de Mimba depuis octobre l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Son confrère a comparu le 2 mai devant le tribunal de grande instance de Mukasa. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet prochain. Et pour cause, son co-accusé dans cette affaire a été libéré provisoirement et ne s'est pas présenté à cette audience du 2 mai. Les chargés des ressources humaines sont appelés à veiller à ce que le personnel des ministères arrive au travail à 7h30 pour rentrer à 15h30. Cet appel est du ministre de la fonction publique au cours d'une réunion avec ses responsables ce mercredi. Ces derniers ont présenté quelques inquiétudes sur l'applicabilité stricte de cette recommandation au regard du problème de déplacement qui s'observe dans le pays. Le ministre Venuste Muyabaga a indiqué que les ministères devraient s'organiser avec leur personnel pour trouver un arrangement face à ce problème. Le point avec Sheila Irambona. Au cours de cette réunion avec les chargés des ressources humaines des ministères, le ministre de la fonction publique est revenu sur la question de la ponctualité et de demander à ses cadres des ministères de veiller à ce que le personnel des ministères respecte les 8 heures de travail. Une recommandation du Conseil des ministres a-t-il indiqué. Les heures de travail débutent à 7h30 et durent 8 heures par jour. Cette affirmation du ministre de la fonction publique a soulevé quelques inquiétudes. Certains parmi ces responsables des ministères ont demandé comment ils vont faire alors qu'il s'observe un problème de déplacement dans le pays. En cette période où le déplacement est difficile, le ministère de la fonction publique a pu résoudre ce problème. Auriez-vous pensé à votre contribution pour que nous aussi nous puissions s'en sortir. Excellence ministre, s'il est possible, veuillez nous dire quelle stratégie auriez-vous utilisée pour que nous puissions l'adopter chez nous afin que notre personnel soit ponctuel au service et rentrer à l'heure. Et au ministre de la fonction publique d'indiquer que les ministères devraient s'entendre avec leur personnel. À propos de cela, il en va de votre implication, car ce personnel paie les frais de transport le matin. Au fait, le problème réside dans le fait d'avoir un moyen de déplacement. Pour faciliter, le ministère pourra intervenir afin qu'il puisse y avoir ses bus. Les informations recueillies sur place indiquent que le ministère de la fonction publique a déjà réussi à le faire et que 3 ministères ont déjà récolté des informations auprès d'eux pour leur emboîter le pas. Sheila Irambona, Fernando Arangabie, connu sous le pseudonyme de DJ Fernando, qui a remporté la 12e édition de Isanganiro Awards, est rentré ce jeudi dans son pays natal après une tournée qu'il a effectuée dans 3 pays de l'Europe. À l'aéroport international Nadai Melchior, il a été chaleureusement accueilli et dans son interview, il a affirmé que le trophée Isanganiro Award a été une valeur ajoutée pour lui. Christian Savier nous en dit plus. L'artiste Fernand Lassalier, connu sous le pseudonyme de DJ Fernando, qui a remporté la dernière édition de la prestigieuse compétition organisée par la radio Isanganiro, Isanganiro Award, vient d'une grande tournée européenne en Belgique, France et Suisse, où il s'est produit sur des scènes aux rythmes et mélodies burundais. Il affirme ici que ça a été un grand succès. Je me sens très bien. Vraiment, c'est un plaisir. On m'a bien accueilli. Ici, pareil que là-bas, la diaspora m'a bien accueilli. On m'a dit vraiment que c'était super, c'était très cool. Ça a été une réussite. Premièrement, en Belgique, à Bruxelles, c'était un concert incroyable. J'ai apprécié le concert de la France et de la Suisse. J'ai rencontré des anciens artistes. Ils m'ont encouragé. J'ai rencontré monsieur l'ambassadeur. Et il m'a bien accueilli et il m'a encouragé beaucoup. Il m'a dit, il faut que tu vises loin, tu es encore jeune. Il ajoute que son invitation en Europe est sortie le lendemain de sa victoire dans la compétition Isanganiro Award, ce qui lui a permis d'être compté parmi les grandes stars burundaises. Il y a des gens qui m'ont dit que Isanganiro Award, ce n'est pas une simple compétition, que petit à petit, il va m'accorder plusieurs opportunités, tant de choses que je ne savais pas sur Isanganiro Award. J'ai quand même apprécié et j'ai eu l'espoir que demain, je serai un grand artiste. Même Isanganiro m'aidera à promouvoir mes chansons. Ouais. Sa tournée a été une occasion de réseauter avec d'autres artistes et organisateurs d'événements, ce qui pourrait dans le futur lui donner d'autres opportunités à saisir. Radio Isanganiro, chronique justice. Un condamné peut être amené par une décision de justice à réparer les dommages et intérêts causés par l'infraction. La décision ne frappe que le patrimoine du condamné. Et c'est la procédure civile qui est empruntée dans ce cas, comme l'explique le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bujumbura. Maître Jean de Dieu Mouzengue indique que la réparation des dommages et intérêts ne fait que suite à une condamnation pénale consécutive à une infraction commise. Chronique justice avec Alain Désiré Boukenet. Une décision de justice portant condamnation d'une personne accusée d'une infraction à une servitude pénale ou une amende peut déterminer les dommages et intérêts causés. Les victimes peuvent être soit l'État, soit les particuliers. Maître Jean de Dieu Mouhouzengue, bâtonnier du barreau de Bujumbura, explique que seule une décision de justice détermine les dommages occasionnés. Corollairement à cette infraction qui aura été commise et qui aura été établie dans une décision judiciaire définitive, on peut également y trouver qu'il y a eu des dommages qui ont été causés. Une décision judiciaire donc qui condamne une personne à la réparation des dommages et intérêts doit réparer ce dommage par la vente de ses biens, tant immeubles que meubles. C'est par la suite la procédure civile qui est empruntée. De toute manière, la responsabilité pénale est personnelle. Mais en ce qui concerne les dommages et intérêts, les condamnés peuvent être amenés à y répondre solidairement. S'il s'agit de plusieurs auteurs d'une même infraction, il peut y avoir une décision qui les condamne à la réparation civile de façon solidaire, tout comme on peut condamner à une personne de façon individuelle avec spécification de ce qu'il doit à la personne victime de l'acte criminel. Sont alors exclusivement visés les biens propres au condamné qui doit réparer les dommages causés. Explication du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bujumbura. La réparation des dommages causés par une personne au cours de la commission d'une infraction doit viser inévitablement les biens qui appartiennent effectivement à l'auteur de l'infraction. Mais le code de procédure civile burundais prévoit des exceptions quant aux biens pouvant faire l'objet de saisie. Certains biens ne doivent pas être saisis pour l'intérêt du condamné et de sa famille. Il s'agit des biens qui sont surtout attachés à la personne même et qui sont nécessaires à la survie de la personne qui est condamnée ou de sa famille. Les vêtements du saisi, du mobilier nécessaire au coucher pour sa famille, c'est-à-dire le lit, les matelas et les draps, les provisions alimentaires qui sont stockées dans sa maison, les livres et documents qui sont nécessaires à son activité professionnelle. Il y a aussi une part du salaire qui est insaisissable. Des immeubles appartenant aux condamnés peuvent être saisis. Selon Maître Mo Zengue, l'essentiel est que la procédure irrelative doit avoir été sanctionnée par une décision définitive. Les autres biens, meubles et immeubles, je précise bien, peuvent faire l'objet de saisies préalables pour qu'après on puisse procéder à la vente aux enchères publiques, quitte à ce qu'on puisse récupérer le montant de la condamnation qui doit être donné aux victimes des dommages causés par l'infraction commise par la personne poursuivie. La procédure de vente publique et aux enchères diffère suivant qu'il s'agit des biens meubles ou immeubles et nous y reviendrons dans la prochaine chronique. Voilà, c'est par ici que se referme cette actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouiman qui était de l'autre côté de la vitrine à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikubanyanga. Bonne suite des programmes sur Sanganito.